conscience supramentale versus éco-anxiété. Voilà ce dont il va être question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, c'est un sujet contemporain, c'est-à-dire de la période présente. On parlait pas d'éco-anxiété là, dans les années 80. En fait, j'ai réalisé récemment une entrevue avec Berthold où j'ai abordé avec lui des sujets qui étaient en vogue dans les années 80, comme Agartha, Shambhala, le triangle de Bermude. Et puis, bon, il y a certaines personnes qui ont critiqué là, le choix des sujets. Et moi, je me permets sur ma chaîne donc d'aborder des sujets qui peuvent être anciens dans l'optique des revisiter en conscience, mais aussi des sujets d'actualité pour les visiter aussi en conscience. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans le cadre de l'enregistrement. Donc, tout d'abord, pour parler d'éco et anxiété, qui est un terme qui est arrivé dans le vocabulaire récemment, ben je vais vous présenter une définition. Donc, la définition que j'ai tapé « éco-anxiété définition » sur Google. Il m'apparaît là, ceci. « Ils sont angoissés, ne dorment plus, ressentent un mal de vivre, une tristesse ou encore une colère face à leur propre impuissance et face à l'inaction des autres sur du plan du réchauffement planétaire. Ils souffrent d'éco-anxiété. » Donc, ici, on nous réfère un lien du site de Radio-Canada. L'éco-anxiété, quand le sort de la planète vous angoisse. Ça, c'est une problématique qui est véhiculée, entre autres, par les médias de masse où on nous fait peur là, par rapport à la menace des changements climatiques, l'augmentation de la population sur Terre, la production massive des gaz à effet de serre, notamment là, dans des économies émergentes, si on pense à l'Inde, la Chine. Donc ça, c'est le scénario présent. Par rapport à l'éco-anxiété, je veux quand même mentionner qu'il y a eu Greta Thunberg qui avait fait un discours là au Forum économique de Davos, où elle avait dit ceci. C'était un discours en anglais là, qu'elle avait fait là, il y a quelques années, là, en 2019. Donc, je pense que à travers son discours, elle véhicule l'éco-anxiété. Je vous laisse juger par vous-même. Donc, je vais lire qu'est-ce qu'elle a dit en anglais et ensuite, je vais vous le traduire en français. Donc, par rapport à ce qu'elle a dit, elle dit ceci. En s'adressant là, aux dirigeants, là, au Forum économique de Davos, a dit « I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. » Donc, elle dit « Je veux pas que vous ayez de l'espoir. Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous ressentez la peur que je ressens à tous les jours. » Donc, quand que j'ai entendu ce discours-là la première fois, j'ai dit est-ce qu'elle veut vraiment régler les problèmes de pollution ou elle veut faire peur au monde? Tu sais, t'écoutes un discours d'Obama, c'était peurant. Et à regarder vibratoirement derrière ça, est-ce que c'est sain de demander, de vouloir que les gens ressentent de la peur à tous les jours en lien à ce qu'elle dit avec la menace du climat? Moi, je trouve pas ça sain du tout, là. Donc, c'est à regarder vibratoirement qu'est-ce qui se passe. Et là, je vais entrer dans une dynamique de la parole dans l'optique de regarder justement là, par rapport à l'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est vibratoirement? Et versus la conscience supramentale. Donc, tout d'abord, est-ce que quelqu'un peut vivre de l'éco-anxiété et être dans un état de conscience supramentale? La réponse qui émerge, c'est non. Dans le fond, l'éco-anxiété, c'est une façon de manipuler l'être humain par des forces astrales pour amener les gens à vibrer à la peur, à la menace. Et d'ailleurs, comme toute forme d'anxiété, ce qu'il faut comprendre pour les gens qui ont vu, entre autres, le film Dune, il était dit ceci à répétition comme message dans le film, « La peur tue l'esprit ». Donc, quelqu'un qui vibre à l'abstral, il peut pas vibrer simultanément une conscience supramentale. Et là, si on essaie d'endoctriner les gens qu'il faut qu'ils ressentent continuellement de l'éco-anxiété par rapport à la menace des changements climatiques, eh bien, ça mène les gens d'être dans un état de disposition mentale qui n'est pas propice pour amener des solutions créatives pour faire face à la situation, parce que la peur a tendance à paralyser les gens, à les rendre impuissants. Donc, quelqu'un qui vibre à la peur, il peut figer par rapport à une situation qui évalue comme étant une menace. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, la peur peut désorganiser un individu et l'empêcher d'avoir accès pleinement à son potentiel créatif pour faire face à une situation, faire face à une menace. Donc, la peur peut amener un état d'impuissance. Puis derrière l'idée de l'éco-anxiété, c'est une façon aussi de contrôler les êtres humains pour les mener à se soumettre à des règles qui autrement ne se soumettraient jamais. Donc, si on met, par exemple, en place une taxe sur le carbone avec des permis pour produire des gaz à effet de serre et qu'on dit on fait ça pour faire face à la menace des changements écologiques, des changements liés à la pollution, si on évoque ça comme prétexte et la personne est éco-anxieuse parce qu'elle vit beaucoup à la peur de cette menace, elle est plus susceptible de s'y soumettre qu'une autre personne qui n'y vibre pas. Et là, c'est sûr que des gens vont dire, nos technologies présentement font de la pollution, donc ça produit des gaz à effet de serre. La réponse, c'est oui. Par contre, le point, c'est qu'il faut réaliser que l'être humain est manipulé par rapport au développement des technologies. Il est orienté par des forces qui, habituellement, l'échappent parce qu'il n'a pas une conscience multidimensionnelle. Donc, il faut réaliser qu'à quelque part, il y a des technologies qui ne fonctionnent pas à l'essence, qui sont plus efficaces. D'ailleurs, depuis même avant que l'humanité, dans sa forme actuelle, existe sur la Terre, il y avait des êtres dans le cosmos qui se déplaçaient sur de grandes distances avec des vaisseaux spatiaux qui n'utilisent pas des moteurs à essence. Donc, depuis des temps immémoriaux, il y a des êtres qui se déplacent dans le cosmos, il y a des êtres même qui, en vaisseau, sont venus sur Terre dans un passé lointain qui n'avaient pas des moteurs à essence et qui ont amené des manipulations génétiques qui ont amené la création de l'être humain de l'ère actuelle. Il faut réaliser qu'avant l'être humain, il y avait des technologies non polluantes, l'être humain apparaît. Et il est orienté dans son développement par rapport à certaines forces qui cherchent à le contrôler, à développer certaines choses à la surface de la Terre, dont le moteur à explosion. Et que, à quelque part, à la base, les technologies non polluantes existent. Présentement, on nous donne seulement accès à des technologies qui sont propices au contrôle. Bon, le moteur à essence, on nous présente le moteur qui fonctionne à l'électricité comme étant une alternative. Or, quelqu'un qui utilise un moteur qui fonctionne à l'électricité, il est dans une dynamique de consommer où il doit s'alimenter à une source qui est sous contrôle par des individus. Dans ce cas-ci, c'est les membres du gouvernement, parce que si on pense à la situation du Québec dans laquelle je me trouve, la production d'électricité est sous contrôle étatique avec Hydro-Québec dans le fond, est la seule entreprise là au Québec nationalisée là, où les gens vont payer l'électricité. Et tant que la personne a un compteur électrique chez elle qui contrôle sa quantité de consommation puis elle doit payer de l'argent, elle est sous contrôle de celui qui possède le moyen de production. Alors que si l'individu avait accès à une capacité d'utiliser, par exemple, un véhicule automobile qui capterait l'énergie, provient du cosmos et qui est latente dans le cosmos, c'est-à-dire l'énergie indifférenciée, à ce moment-là, il serait pas sous contrôle par celui qui produit l'énergie, que ce soit l'électricité ou les entreprises qui vont produire le pétrole. Parce que c'est sûr que s'il y a un nombre restreint d'entreprises qui produisent du pétrole, il y a un cartel. Ces gens-là ont le beau jeu pour la suite de fixer les prix, ou sur des organisations comme l'OPEP qui vont fixer le prix du baril. L'individu est à la merci de ces gens-là qui peuvent faire augmenter les prix de l'essence. Tandis que si l'individu a accès directement à la source de l'énergie, à ce moment-là, on ne peut pas le contrôler dans l'accès à l'énergie. Et c'est sûr que présentement, à défaut, en tant qu'individu, d'avoir accès à la source de l'énergie, que ce soit l'électricité, que ce soit dans le fond pour l'essence pour m'alimenter mon véhicule, ben je peux avoir accès à ma source en tant qu'esprit. Donc, et pour y avoir accès, ben il faut que je sois capable de parler en suivant la vibration qui émane de l'esprit à travers moi. Donc, tant que je suis soumis à une autorité extérieure, donc devant un prêtre, un gourou, un maître spirituel, j'ai pas un accès directement à la source et je suis sous contrôle. D'ailleurs, il y a des gens qui vont parler de maître du monde dans le domaine spirituel, donc des maîtres spirituels qui vont influencer la pensée mondiale, mais on peut être contrôlé aussi dans l'accès aux technologies pour alimenter notre maison, notre véhicule, et ainsi de suite. Il y a des parallèles à faire entre les deux. Et c'est sûr que présentement, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a des êtres qui n'ont aucun intérêt à ce que l'être humain ait accès à une autonomie réelle, car s'il a accès à une autonomie réelle, il ne pourra plus être parasité. Donc, à ce moment-là, si l'être humain est libre et n'est plus parasité sur le plan énergétique, eh bien, ces instances-là vont perdre du pouvoir sur lui, du contrôle, parce que présentement, il y a des instances qui ont un très grand contrôle sur l'être humain, parce que tant que l'être humain dépend de leur technologie, eh bien, l'être humain est dans situation, dans certains cas, de se soumettre à leur bon vouloir d'accès en termes d'énergie. Donc, c'est sûr que si, par exemple, Hydro-Québec augmente l'électricité, oui, en tant que citoyen, je peux contester, mais c'est quand même assez limité, puis je dois passer par Hydro-Québec, par exemple, pour alimenter le logement que j'ai. Ben, à quelque part, je suis en situation où ce que je dois composer avec une instance extérieure à moi dans l'optique d'avoir accès à de l'énergie. Et c'est ça qui fait en sorte que, bon, ben, je vais être influencé par leur politique de prix, puis ça va influencer mes comportements. Donc, je suis sous influence. Mais pour en revenir à la question de l'éco-anxiété, c'est de réaliser que maintenant, l'être humain est manipulé, plus spécifiquement à l'époque actuelle, à se sentir coupable. Par exemple, d'utiliser son automobile pour se déplacer sur la route, parce qu'on va dire « Ah, ben là, ça produit des gaz à effet de serre. » Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière ça, il n'y a pas une volonté réelle des initiateurs primordiaux, c'est-à-dire que les êtres qui ont initié la civilisation humaine, qui ont procédé à la création de l'humanité, qui aient accès à des technologies non plus polluantes, analogues à celles qu'elles ont utilisées pour venir sur Terre. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la technologie non polluante, de ce que je perçois, de ce que je capte, bien, elle a toujours existé avant que l'être humain existe dans sa forme actuelle sur Terre. Il n'y a pas une volonté réelle de nous donner accès présentement à ces technologies. C'est sûr que d'un côté, si l'être humain, par exemple, a accès à un véhicule qui il a pas besoin de s'approvisionner à une station-service, que ce soit de l'électricité, que ce soit du pétrole, bon, ben l'être humain est moins contrôlable. Et ça peut faire peur à certains êtres qui ont intérêt à maintenir leur contrôle sur l'être humain parce qu'ils sont insécures et qui cherchent à ce moment-là être dans une situation pour dicter à l'être humain qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour sa société, son développement. Et là, présentement, bien, c'est sûr qu'on cherche à amener une transition technologique au nom de l'écologie, mais c'est de voir que derrière ça, la transition oriente l'être humain vers des technologies qui peuvent être contrôlables, comme l'auto, l'électricité ou les panneaux solaires aussi. Dans le sens que dans le sud des États-Unis, j'avais vu à un moment donné un article par rapport au fait qu'il y avait des gens qui s'étaient fait dire « ben écoutez, mettez sur votre toit là, des panneaux solaires, puis par la suite, avec l'excédent d'électricité qui va être produit, vous allez pouvoir vendre ça à une compagnie d'électricité. » Et à ce moment-là, ça va permettre d'amortir le coût. Parce que là, si les panneaux solaires coûtent environ 30 000 $ pour alimenter votre maison, et que vous avez des surplus d'électricité, ben vous allez pouvoir vendre ça à la compagnie, et ce qui va vous permettre de payer progressivement là, au fil des mois, là, rentabiliser là, votre dépense qui consiste à avoir acheté les panneaux solaires. Or, les panneaux solaires, si je ne me trompe pas, c'était dans le désert du Nevada, où la quantité d'heures d'ensoleillement par année est extrêmement importante. Donc, il y a beaucoup de journées ensoleillées au niveau statistique. Donc, ils ont décidé d'implanter ça dans une ville au sud des États-Unis pour cette raison. Et par rapport à l'expérimentation, ben finalement, en cours de route, ce qui est arrivé, c'est que les panneaux solaires étaient tellement efficaces pour générer des surplus d'électricité que la compagnie se ramassait avec plus de quantité d'électricité qu'envisagé, ce qui a fait en sorte qu'elle payait moins cher par rapport à ce qui était convenu à la base avant que les gens achètent les panneaux solaires. Le kilowatt d'électricité qui était produit en surnuméraire là, avec les panneaux d'électricité, donc des gens qui n'étaient pas contents par rapport à ça. Puis là, ils ont voulu faire un recours là, contre l'entreprise. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière ça, c'est que des gens essaient de créer des ententes avec des entreprises, des forces extérieures à eux. Et c'est sûr qu'en agissant ainsi, ben il y en a qui vont respecter ce qu'ils avaient dit, puis d'autres non. Puis là, les gens sont à merci de ça. Mais le point que je veux faire, c'est que moi, en tant qu'individu, je refuse d'embarquer dans l'idée de me sentir coupable à chaque fois que j'utilise mon véhicule automobile ou si à un moment donné, je prends l'avion dans le futur comme étant un méchant pollueur. Parce que là, l'idée de l'éco-anxiété cherche à amener les gens à se restreindre dans leurs déplacements et de se sentir coupable s'ils vont voyager là, sur des grandes distances au Québec, dans les loisirs. Et ce que ça fait, ben ça cherche à limiter, à contrôler. Puis là, on veut mettre des taxes sur le carbone. Il peut avoir la possibilité aussi de vouloir taxer dans le fond, davantage là, les véhicules automobiles à essence dans les prochaines années. Et tout ça, ça va restreindre l'individu naturellement dans ses déplacements, ses habitudes aussi de consommation. Et ce qu'il faut voir derrière ça, c'est qu'il y a une tentative aussi de manipulation des gens en utilisant la culpabilité. On l'a connu dans le passé avec la religion chrétienne. Si tu ne suis pas l'Église, à ce moment-là, tu auras à te sentir coupable. Hors de l'Église, point de salut. Et c'est un petit peu le même principe là, par rapport à l'écologie. Donc, présentement, ce que je vois, c'est qu'on cherche en tant qu'individu à m'aliéner, c'est-à-dire à me faire sentir coupable d'utiliser un véhicule automobile pour me déplacer en disant que je suis un méchant pollueur. Et je trouve ça inacceptable parce que, premièrement, la culpabilité est un poison pour l'esprit. Et deuxièmement, lorsque je vérifie vibratoirement, est-ce que j'ai à utiliser l'automobile, ce que ça me répond, c'est que ça me dit oui. Donc, j'ai pas arrêté d'avoir une automobile. Donc, le point, c'est que on cherche à nous restreindre, à nous manipuler, puis c'est toujours au nom du bien puis de la vertu. Et moi, c'est sûr qu'en tant qu'individu, là, je suis tanné de tout ça. Et les solutions vers lesquelles on nous oriente, ben, il y a toujours des gens qui ont des intérêts économiques là-dedans. C'est dans le sens que si les gens, par exemple, achètent massivement des autos électriques, ben, c'est dans l'intérêt, par exemple, du gouvernement québécois parce que c'est un producteur d'hydroélectricité. Donc, à ce moment-là, Hydro-Québec va faire plus d'argent en vendant de l'électricité à des citoyens québécois s'ils utilisent massivement de l'électricité. Et là, à ce moment-là, ben le pétrole qu'on importe, donc qu'on fait venir d'Arabie Saoudite ou d'autres endroits dans le monde, ben eux autres, ils vont moins faire d'argent. Donc, ça va permettre qu'il y ait plus d'argent qui soit fait là, avec la production d'énergie locale. Donc, ça va être avantageux pour le gouvernement québécois, mais ça va être dans le désavantage de d'autres forces. Mais l'être humain va être confronté à avoir à s'alimenter de cette façon-là. Et c'est sûr que je trouve ça révoltant de savoir qu'il existe des technologies non polluantes. D'ailleurs, les observations d'OVNI que les gens font avec des véhicules qui se déplacent dans le ciel, eux autres, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de compteur d'électricité ou de compteur à essence. À un moment donné, l'information va finir par savoir la surface de la Terre et avec la reverse engineering, ben, les gens font les déductions nécessaires pour que de nouvelles technologies éventuellement soient implantées. C'est sûr qu'en tant qu'individu, je conteste que présentement, tous les problèmes de pollution qu'on connaît depuis plus d'un siècle, liés à la pollution de l'eau, de l'air, de la terre, avec des gaz à effet de serre, des produits chimiques, tout ça là aurait pu être évité par l'adoption dès la base de technologies non polluantes. Mais les gens qui contrôlent l'humanité nous ont pas donné accès à ces technologies-là. Fait que c'est sûr que ma parole est de contester les êtres qui bloquent l'accès à ces technologies-là. C'est sûr que si je pose la question, est-ce qu'ils ont des raisons de bloquer ça qui peuvent être intelligentes? Et la réponse qui émerge, c'est oui, à un certain niveau, dans le sens que si, par exemple, un groupe de terroristes ont accès à des véhicules autonomes sur le plan énergétique, ils vont être difficiles à freiner, ils vont être difficiles à limiter, puis ils vont en faire des dégâts. Imaginez des véhicules qu'auraient des terroristes qui leur permettraient de se véhiculer facilement d'un endroit à l'autre et qu'il n'y aurait pas à s'alimenter en énergie. Donc, c'est sûr que sur le plan vibratoire, ce qui serait intelligent, c'est que l'être humain a accès à une conscience intégrale qui lui permettrait d'avoir la maturité suffisante pour gérer des véhicules sur le plan énergétique qui, dans le fond, sont alimentés d'une manière totalement autonome. Idéalement, l'être humain devrait avoir accès à une autonomie de conscience absolue pour gérer adéquatement des mais encore là, est-ce que l'être humain aurait intérêt à avoir une autonomie de conscience absolue pour gérer des véhicules qui sont totalement autonomes sur le plan de l'alimentation énergétique? Non, l'être humain peut avoir une certaine conscience éthique minimale pour être capable de gérer ça d'une manière adéquate. Et pour gérer ça d'une manière adéquate, ça prend un changement vibratoire au sein de la conscience humaine. Et c'est sûr que, dans le fond, qu'est-ce qui bloque présentement et qui fait la rétention de technologies non polluantes? À un certain niveau, c'est l'orgueil des dirigeants qui cherchent à garder le contrôle sur l'être humain et faire de l'argent en lien avec la technologie. Donc, c'est sûr que tant que les êtres humains vont vibrer au désir, au pouvoir, à ce moment-là, ils ne voudront pas laisser les autres êtres humains accéder à la liberté, horizontaliser la relation entre eux puis d'autres êtres humains. Donc, tant que l'être humain va être chevauché par l'astral qui va chercher à dominer l'être humain, il va y avoir des dirigeants d'entreprises dominateurs qui vont chercher à contrôler la population à l'image des entités astrales qui les chevauchent. Et c'est sûr que lorsque l'être humain va horizontaliser sa relation avec l'esprit, eh bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va avoir une posture différente qui va l'amener éventuellement à horizontaliser sa relation avec d'autres êtres humains et éventuellement à chercher aussi à horizontaliser son rapport à l'énergie, c'est-à-dire puiser par lui-même d'une manière autonome directement à l'énergie à partir du cosmos où elle se trouve, qui est abondante. D'ailleurs, la menace des changements climatiques, la menace de la pollution galopante qui pourrait amener à un contrôle des moyens techniques s'appuie sur un postulat qui est ceci. L'énergie n'est pas présentement accessible de manière abondante, bon marché et non polluante. Or, de l'énergie, il y en a partout. Et si vous regardez l'activité terrestre, il y a des marées, il y a de l'eau, il y a du vent. Derrière la réalité manifeste au niveau physique, eh bien, il y a de l'énergie qui la sous-tend. Mais si on part du principe que la quantité d'énergie est limitée et qu'à quelque part, elle est rare de plus en plus parce que, bon, les ressources en matière si on pense au pétrole, sont appelées à diminuer dans le temps, ben là, à travers ça, ça pourrait justifier le paradigme qui est en relation avec le Great Reset, la grande réinitialisation, où on va chercher à modifier la façon de fonctionner sur la Terre des êtres humains au nom de la sauvegarde de l'humanité. Donc, on va dire, par exemple, à chaque être humain, étant donné que, présentement, on n'a pas accès à des technologies abondantes, bon marché, non polluantes, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener à réduire l'ensemble des pays là avec différentes ententes là, comme COP26, COP23, donc différentes rencontres internationales avec des traités pour réduire la quantité de pollution émise. Et c'est sûr que derrière ça, il peut y avoir un désir spirituel qui est fait de freiner la pollution parce que c'est sûr que c'est pas viable à long terme. Mais en même temps, il n'y a pas d'alternative en termes de technologie libre, de technologies qui ont été utilisées par les êtres dans le passé qui viennent du cosmos, qui nous sont présentées. Donc, on nous dit, il n'y a pas nécessairement d'autres technologies, mais en réalité, elles existent, sauf qu'elles ne sont pas dévoilées. C'est sûr que c'est ça qui me contrarie. C'est-à-dire qu'on est gardé dans un état de limitation d'une manière volontaire, parce que, à quelque part, les êtres qui ont été mis en contact avec des êtres du cosmos, ou même ces êtres-là du cosmos, n'ont pas la volonté de venir faire, par exemple, une démonstration ouverte de leur technologie. qu'ils utilisent. Et ils sont pas transparents par rapport à l'existence. C'est sûr qu'à quelque part, c'est pas le temps qui se manifeste, mais en même temps, si c'est pas le temps qui se manifeste, c'est ce qui permet de perpétuer les problèmes de pollution qui sont en relation avec le fait d'utilisation de technologies fossiles et des technologies de contrôle, de remplacement, que ce soit l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, ensuite les panneaux solaires. Ben, toutes ces technologies-là, si on est alimenté en vent avec l'énergie éolienne, il y a quand même un compteur d'électricité qui est lié à la maison. Puis pour ce qui est des panneaux solaires, ben ça a un certain niveau de performance, oui, mais ça demande des réparations, ça demande de l'entretien. Donc, il y a encore des dépenses par rapport à ça. Et c'est sûr que tant que l'être humain, dans le fond, n'a pas accès à une source d'énergie libre, ben il n'est pas totalement libre, hein? Et c'est sûr que par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est quoi le message fondamental de mon enregistrement d'aujourd'hui? C'est ne pas croire. Qu'est-ce que vont nous dire nos politiciens? Ensuite, les lobbyistes du domaine de l'écologie qui peuvent vouloir nous amener à nous faire sentir coupables à chaque fois qu'on utilise un véhicule automobile parce que en réalité, on cherche encore une fois à nous contrôler, à nous amener, à nous soumettre cette fois-ci un agenda qu'on dit écologique. Et derrière ça, il n'y a pas de liberté. Moi, en tant que citoyen, je me sens aliéné dans le sens que on me donne pas accès à des technologies non polluantes pour me déplacer. Puis après ça, on me fait dire « Ah, ben t'es pas correct, tu utilises la technologie polluante. » Ben là, c'est sûr que je vais utiliser de la technologie polluante si on me donne pas accès. Puis là, on va me dire, ben là, tu pourrais quand même acheter une auto électrique. Ouais, mais si le coût de l'auto mobile électrique est nettement plus élevé que celle qui est polluante et qu'il n'y a pas une augmentation significative de mes revenus au fil des ans, puis j'ai pas les moyens de m'acheter ça, ben c'est sûr que je suis manipulé. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, par rapport à l'utilisation, par exemple, ou non d'une auto mobile, ben je regarde vibratoirement qu'est-ce que je vis. Puis moi, dans le fond, ce que je vous dirais en tant qu'individu, j'ai tranché la question en disant que l'éco-anxiété, j'adhère pas à ça. Puis je me laisse pas amener à vibrer de la peur avec le discours de Greta Thunberg et je trouve ça contre-productif de l'idée à vibrer à la peur puis la peur que la société va s'effondrer dans les prochaines années parce qu'on nous présente le problème de pollution comme étant une voie sans issue. Et que, à quelque part, il y a les alternatives qu'on nous présente, c'est encore pour nous contrôler. Puis c'est tout le temps dans l'esprit de réduire la consommation. Mais à travers ça, ben on limite l'être humain de plus en plus dans les déplacements. Parce que les déplacements coûtent de plus en plus cher parce qu'il y a des taxes sur le carbone. Ben à quelque part, c'est une façon de restreindre et de contraindre aussi. Et c'est sûr que ça fait le jeu de certaines forces, que ça leur permet de renforcer leur emprise sur l'être humain. Mais ça permet pas l'émancipation de l'être humain, là, naturellement, ce qui fait qu'on n'est pas libre. Fait que, autrement dit, ce que je vous dis là par rapport à toutes les délibérations que j'ai eues là, dans les dernières minutes, c'est que je vais continuer à utiliser mon auto tant que j'aurai pas d'alternative réelle. C'est sûr que si un jour je suis mis en vibration à utiliser autre chose qu'une auto-essence, puis il y a un véhicule, je sais pas, l'hydrogène ou quelque chose d'autre qui est mis sur le marché, ben j'irai de l'avant avec ça tout simplement. Mais pour l'instant, je donne pas le droit à l'astralité planétaire qui est derrière les dirigeants qui cherchent à nous culpabiliser d'utiliser l'auto parce que c'est ça qui est facilement accès de me sentir coupable si j'ai pas d'alternative réelle par rapport à ça parce que sans ça je suis dans une situation d'aliénation individuelle. Autrement dit, j'ai pas à me sentir coupable du simple fait que je respire parce que ça amène de la production de gaz à effet de serre. Là. À un moment donné, il y a des limites à culpabiliser les êtres humains tout en les gardant simultanément restreints pour justifier la culpabilisation, ce qui est extrêmement pervers. Donc, autrement dit, s'il y a des gens qui font sentir les êtres humains pas corrects, alors que, à quelque part, eux autres, ils ont tout intérêt à pas les faire sentir corrects parce que ça peut, à travers la culpabilité, amener des gens à adhérer à un agenda qui voulait limiter, ben, eux autres, ils ont tout à gagner à agir ainsi. Et là, c'est sûr que cette façon d'amener un cadre de référence dans la réalité où chaque être humain est vu comme un méchant pollueur potentiel sert des gens qui utilisent ça pour justifier l'introduction, par exemple, de leur technologie. C'est sûr que par la suite, s'ils peuvent détourner les gens de certaines technologies orientées vers d'autres, ben à un moment donné, il y aura sans doute des gens qui vont faire des entreprises, des millions ou des milliards de profits avec la vente d'automobiles qui vont fonctionner, l'électricité, etc., alors que ces mêmes automobiles-là vont engendrer de la pollution. Et c'est sûr qu'on a présentement le phénomène du greenwashing, à ne pas confondre avec brainwashing. Donc, c'est une expression anglaise avec le mot green, qui veut dire vert, washing, c'est-à-dire lavage. Donc, on va parler de lavage, un peu comme du lavage de cerveau avec tout ce qui est vert. Donc, par exemple, on va acheter un écran de télévision et ça va être de type Energy Star. Et on va dire, ah, ben la technologie consomme moins d'électricité. Donc, c'est une technologie qui est propre. Puis après ça, on demande aux vendeurs, ouais, mais si cette technologie est propre, ben pourquoi que la garantie de base qui vient avec le produit est seulement d'un an? Il me semble que si la télévision, vous la garantissez juste un an, puis vous essayez ensuite de me vendre une garantie prolongée pour qu'elle soit garantie 3 ou 5 ans en payant un montant supplémentaire, c'est pas justifié. Si c'est une technologie qui est propre, normalement, elle devrait être durable, mais non. L'appareil de télévision n'est pas fait pour être durable sur une longue période de temps. Il est fait pour consommer, oui, moins d'énergie peut-être que de téléviseurs de marque analogue. Où au fil des ans, le même modèle s'est raffiné et il consomme moins d'électricité, mais en termes de durabilité, non. C'est la même chose pour les téléphones intelligents. On nous vend de la technologie qui est faite dans une optique d'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on c'est déjà programmé qu'à partir d'un certain nombre d'années, elle va être moins efficace. T'sais, si on prend un ordinateur ou un téléphone intelligent, que les mises à jour qui se font par rapport, par exemple... à une fréquence régulière qui vont alourdir le fonctionnement de l'ordinateur, ben ça fait qu'au fil des ans, l'ordinateur fonctionne de plus en plus au ralenti. Et ça, j'en ai fait l'expérience avec, entre autres, un ordinateur que j'avais, que le disque dur n'était pas plein, là. Donc, le disque dur, il y avait moins du un quart qui était plein, là. Fait que c'était pas la quantité de données que je mettais dessus. Le problème, c'était tout simplement les mises à jour. Donc, le disque dur est presque pas utilisé, mais, ah, non. Au fil des mises à jour, ça fonctionne de plus en plus lentement. Puis à un moment donné, quand on est tanné que ça fonctionne lentement, ben on peut essayer d'ajouter de la mémoire vive à l'ordinateur ou changer l'ordinateur, mais c'est une roue. Donc, c'est sûr que présentement, les industriels ont intérêt à nous dire « Ah, ben leur technologie est verte ». Et en même temps, ben leur intérêt simultanément, c'est de nous vendre un maximum d'appareils pour faire de l'argent. Parce que c'est sûr que si une entreprise, par exemple, fait des télévisions, elle n'a pas intérêt à ce qu'on achète seulement une fois dans notre vie une télévision, puis le reste, c'est fini. On n'a plus besoin d'acheter de télévision du reste de notre vie. Donc, s'ils veulent vendre, ben ils vont dire « Ah, ben là, ça, c'est un modèle 4K. » Mais là, il va avoir le 6K, le 8K, le ci, le ça. Tu sais, il y avait la haute définition, l'ultra haute définition, le 4K. Ensuite, il va avoir le 8K. Tu sais, il y a toujours une façon de raffiner qui se fait. Puis là, après ça, il y a souvent des problèmes de compatibilité, dans le sens que si le film est en haute définition, puis on a un lecteur de DVD standard, ben ça fonctionnera pas. Fait que toute cette technologie-là de transition qui amène toujours les gens à consommer sert un agenda économique qui fait beaucoup de pollution. Mais c'est sûr que certaines entreprises peuvent donner de bonne conscience en disant « Ah, ouais, mais mon appareil est Energy Star. Tu sais, il consomme moins d'énergie. » Fait que là, ça fait partie du « greenwashing ». Et par rapport à tout ça, ce que je dis, c'est que moi, en tant qu'être humain, je suis manipulé constamment, sous influence par la société, pour consommer un paquet de technologies qui sont régies par des forces d'obsolescence programmées. Et tant que collectivement, on n'aura pas assez d'esprit pour exiger aux producteurs de technologies, que ce soit des technologies durables, eh bien, on reste comme ça. Et c'est sûr que, dans le fond, la seule chose que je peux faire, ben, c'est sûr que c'est d'agir dans ma vie, dans cet esprit-là. C'est sûr que, par rapport en tant que consommateur, ben, j'ai des choix de consommation à faire. Et par rapport à toute la propagande là, écologique, ben d'ailleurs, l'essentiel de mon propos qui était évalué, si... dans le fond, l'éco-anxiété, ça pouvait être un élément qui se rapporte à être vécu par un individu qui nourrit une conscience supramentale. En lui, la réponse, c'est non, parce que l'éco-anxiété, derrière ça, il y a la peur de la menace écologique. Un individu qui vit d'une conscience supramentale n'est pas soumis à la peur. Il peut être lucide quand même pour faire des constats vibratoires en relation avec la dégradation de l'environnement. Il peut faire une étude fondamentale des causes derrière ça. Il peut contester l'esprit de contrôle derrière l'astralité qui amène toujours des technologies d'obsolescence programmée qui, par la suite, vont s'accumuler dans des dépotoirs qui vont engendrer de la pollution. Il peut contester mentalement l'astralité qui est derrière la volonté de culpabiliser l'être humain d'une manière très forte par rapport à ses choix de consommation. Il peut contester le faire ouvertement à travers un enregistrement pour véhiculer une vibration dans le monde de contestation de cela. Est-ce que l'individu qui a une conscience supramentale a à amener des alternatives technologiques? Ça dépend de son mandat. C'est sûr que moi qui vous parle, j'ai pas des compétences en termes d'ingénieur. Je suis pas ingénieur en génie mécanique. Donc, j'ai pas les compétences intellectuelles et mon mandat, fondamentalement, ce n'est pas d'amener des nouvelles technologies. Par contre, je peux capter vibratoirement qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond sur la Terre, puis que quelque part, il y a des êtres qui, depuis des temps immémoriaux, visitent la Terre avec des objets qu'on dit volants non identifiés, qui ont accès à des technologies non polluantes. Et ce qui me choque, c'est de voir que ces technologies-là, on n'y a pas accès. Puis, tout ce qu'on nous présente comme alternative à celles qui sont très polluantes, c'est toujours des technologies de contrôle. C'est sûr que je me heurte à ce constat-là. Et c'est sûr que, dans le fond, chaque chose en son temps. Éventuellement, lorsque l'être humain aura une force suffisamment grande de pénétration psychique et des individus qui ont la vibration de par leur mandat planétaire d'introduire de nouvelles technologies, vont le faire. Parce que l'humanité sera réceptive à ces technologies-là, parce que l'astral aura reculé, parce que c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui introduit une nouvelle technologie dans un système qui est plutôt réfractaire, il va s'opposer à des oppositions de par ceux qui sont en puissance dans la société pour freiner, par exemple, la technologie qui sera en compétition avec les leurs. Donc, autrement dit, quelqu'un qui présente une nouvelle solution technologique dans une société où des individus qui ont les gouvernes de grandes entreprises multinationales n'ont pas intérêt à ce que la technologie sorte, bien c'est sûr que ces technologies risquent d'être freinées par ces entreprises qui vont chercher à faire, par exemple, des campagnes pour discréditer de tels individus parce que ça pourrait leur porter ombrage. Et c'est sûr que par rapport à ça, c'est un petit peu un cercle vicieux. Et c'est sûr que quelque part, la personne doit monter en puissance vibratoire pour être capable de contenir les oppositions qui sont relatives à l'introduction des technologies non polluantes, si elle a le mandat de les amener en société. Moi, c'est sûr qu'en tant qu'individu, puis je vais être bien honnête avec vous, j'ai pas cette contenance-là. Peut-être qu'il y a des gens présentement, des inventeurs, des chercheurs qui ont cette capacité de faire face à l'adversité parce que ça prend une grande stabilité émotionnelle pour faire face à des oppositions extrêmement grandes relatives à, par exemple, l'introduction d'une technologie qui pourrait menacer l'ordre établi. Donc, il faut être capable de faire face à la peur qui pourrait être induite par rapport à des individus de l'environnement qui ont peur, entre autres, de la nouveauté d'une technologie, qui ont des résistances au changement. Donc, il y a beaucoup d'oppositions énergétiques potentielles pour une personne qui chercherait à amener à la surface de la Terre des nouvelles technologies. Mais est-ce qu'éventuellement les nouvelles technologies seront amenées ici? La réponse est oui, parce que c'est quelque chose qui est appelé dans l'avenir pour la restauration de la Terre. Donc l'humanité ne pourra pas fonctionner éternellement avec des technologies polluantes parce que à ce moment-là, ça menace le devenir de la civilisation humaine et de l'humanité en général. C'est sûr que la civilisation, bon, comme on la connaît présentement, peut connaître un déclin. Mais ça menace aussi la viabilité de la Terre par rapport à différentes espèces en voie d'extinction, etc. Donc, c'est sûr que présentement, la Terre est restaurable, mais lorsque les technologies, dans le fond, présentement, qui sont polluantes, vont... Moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'à un moment donné, c'est inévitable que des technologies non polluantes vont apparaître à la surface de la Terre qui vont permettre à l'être humain d'être davantage libre. Mais ça va être une question de temps pour que ça soit disponible aux masses. Et c'est sûr que ça va être en relation avec la transmutation énergétique qui va s'opérer pour que la personne qui a développé une conscience qui lui permet davantage de maîtriser l'astralité en elle puisse utiliser des technologies qui vont faire en sorte que ces technologies ne seront pas réutilisées par l'astral contre elle. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, a accès à une technologie qui lui permet de se déplacer librement dans le cosmos facilement en termes de déplacement, puis la personne est chevauchée par l'astral malgré elle, ben c'est sûr que ça pourrait faire, par exemple, des religieux extrémistes fanatiques qui voudraient convertir l'ensemble du cosmos à leurs croyances religieuses. Parce que si la personne ne change pas, mais elle accède à une technologie plus sophistiquée, puis elle a toujours la même idéologie qui est soumise à des formes qui font en sorte que la personne est régie par un agenda astral de propagation de certaines informations. Bon, mais qu'est-ce que la personne va vouloir faire en plus de convertir ses congénères sur Terre? Ben, ça va être de convertir les gens dans le cosmos et là, ça peut engendrer des différents dégâts. Ce qui fait en sorte que, qu'il y a une nécessité de changement de conscience sur la Terre qui doit s'opérer en relation avec l'accès et l'utilisation de nouvelles technologies. Ça, ça va se faire dans le temps. Donc, en tant qu'individu, lorsque je regarde par rapport à l'avenir de l'humanité, je ne suis pas inquiet parce que tout finit par s'ajuster. En ce sens que tout ce qui n'est pas viable doit prendre fin parce que sans ça, ça peut marquer la fin d'un système, mais en même temps, simultanément, la naissance d'un nouveau système. Lorsqu'un système a saturé et que sa durée de fonctionnement prend fin, son cycle. Donc, la façon que je vois ça, c'est qu'éventuellement, l'être humain aura accès à des nouvelles technologies. Bon, pour l'instant, on a accès à des technologies polluantes qui sont facilement accessibles. Puis, on n'a pas à se sentir coupable par rapport à ça, étant donné qu'on n'a pas accès à autre chose. Donc, faut pas s'empêcher de vivre. C'est ce que j'ai comme perception. C'est sûr que la personne a à respecter sa vibration, dans le sens que si la personne n'a pas la vibration d'utiliser l'automobile pour aller faire un voyage à 7 heures de route de chez elle, ben qu'elle l'utilise pas. C'est comme dans toute chose, le principe de base de vibrer puis d'agir s'applique. Donc, c'est d'écouter, mais pas de se sentir coupable de respirer ou d'utiliser l'automobile pour se rendre au travail, là, naturellement. Donc, sur ces considérations, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.